L'agence de presse TASS et la télévision Zvezda de Russie, les agences de presse japonaises Gyodo et Zizi, la télévision presse iranienne et l'agence de presse Chine Nouvelle ont rapporté le 3 courant les réponses du porte-parole des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée données aux questions du correspondant de l'agence télégraphique centrale de Corée à propos de l'essai d'interception de missiles balistiques intercontinentaux perpétrés par les États-Unis sous prétexte de menaces nord-coréennes.